mboli moto na leli mingyobo na koma kobanza tango nyoso mboba mpasi yo mokile na leli mama na kamwe onzambe mbali na likaka ye enzo mboba si nyoso maladi ye Na koma yuma yuma Bolingwe tambisa kanga moto Bolingo thank you. trompe. Forse, forse va. Forse, forse va. Forse, forse va. Forse va. Chérie et aboyo papa Olingo nanga papa perio Naluka na bomanzoto na boinga na banye makamwe Nakoyemba na kole la basuse Tonto nanga imasibi pesanga toli enyekese Pesanga mwa beze na yoka nzoto enyekese Na moka na chérie Nakotanga na kolela Yoso fote anzambe Apesa ngate makolinga Naluka na bande lango Perie aboyo bisengambyo Olingo nanga papa perio Naluka na bomantoto na boinga na banye esese Nakoyemba na kolela basusio Sangai mwa beze na yo kanzo donye kese Na moka na sheryo na kotanga na kolela Nyoso fote anzambe ape sangate makolinga Horipa Fonsi, yese wa Fonsi, Fonsi Otoko masibi, otoko masibi Esese, Bunza Asasinado Esese, Bunza Udabayoni Nous foncez, ma, nous foncez, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous foncez, ma, nous fo